Peux-tu le lire avant? En même temps? Mon courrier, le courrier que j'ai reçu. Courrier du cœur? Ah non, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est plusieurs bonnes questions. Lors des grandes catastrophes comme en Arménie cette semaine, ben, c'est pas une grande catastrophe, en Arménie c'est une catastrophe quand même. Cette semaine, les intelligences extraterrestres interviennent-elles pour faire le pont entre le plan physique terrestre et une autre dimension ou espace-temps pour aider certains êtres humains qui avaient une génétique ou un niveau de conscience spécial? Comme dans le cas actuel, disons, de l'Arménie, non. Si oui, que se passe-t-il à ce moment-là pour ces êtres humains? Ben, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas d'êtres humains qui ont une génétique intéressante du point de vue ovnique dans ces régions-là. Est-ce que leur corps disparaît du plan physique ou seulement leur conscience? Finalement, la conférence va rejoindre ici. Disons qu'il y aura un tremblement de terre d'ordre de 8,5 à 9 à l'échelle de Richter, c'est-à-dire un tremblement de terre hyper majeur au Québec. Là, les questions deviennent extrêmement applicables. Est-ce que le corps physique des gens qui restent pris dans le tremblement de terre vont disparaître ou seulement leur conscience? Comment ce phénomène est-il perçu par ceux qui restent? En sont-ils conscients? Tu vois, cette personne-là, à un moment donné, il faudra qu'elle vienne m'interviewer si tu n'as pas de bonnes questions à poser. Est-ce que les mêmes phénomènes se produisent à plus grande échelle s'il y avait une guerre nucléaire globale, par exemple? Tu vois, c'est en plein de faire la question qu'il faut que tu poses ce soir. Bon, t'as refilé les papiers. C'est ça. Si oui, quel pourcentage de l'humanité serait impliqué dans ce phénomène? Quel serait l'avenir pour ceux qui restent sur le plan terrestre et pour ceux partis vers une autre dimension? Alors, c'est évidemment en plein dans le sens de la conférence. Tiens, je t'ai passe au cas de OK. Si je manque d'inspiration. C'est pas ta femme qui aurait amené tes papiers ici, non? Non. Bon. Mais ça, il faut d'abord s'entendre sur un point. Il faut d'abord s'entendre qu'il y a des extraterrestres. Oui, évidemment, c'est sûr que si on propose extraterrestres, on est pas mal niaiseux d'être venus ici à soir. Bon. Alors, un extraterrestre, c'est dans le langage populaire, une bébite. Dans le langage ésotérico-populaire, c'est un être venu d'ailleurs qui est plus intelligent, plus puissant et qui va peut-être sauver l'humanité. Du point de vue théo-ésotérique, c'est un être qui peut être bon ou mauvais, qui vient évidemment, qui a une provenance extérieure au phénomène planétaire. Du point de vue occulte, ça peut être un intraterrestre ou un extraterrestre. C'est des êtres qui viennent soit de l'intérieur de notre planète, soit de l'extérieur de notre planète. Les mauvais viendraient de l'intérieur, les bons de l'extérieur, dans la majorité des conceptions. Du point de vue fiction, les extraterrestres sont des êtres humains qui proviennent de l'avenir et qui régressent dans le temps pour venir visiter et peut-être même changer certaines choses du passé, donc de notre présent, dans le but de préserver ou de transformer un avenir potentiel, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité que ce que la majorité des gens ont déjà pu conceptualiser au niveau des extraterrestres. Et pour d'autres, eh bien, c'est simplement une illusion, une nuit. Ça n'existe pas. Mais si les extraterrestres étaient, comme tu dis, des gens qui viennent du futur, ils viendraient de la Terre quand même, donc ils ne seraient pas extraterrestres. Non. Maintenant, quand tu regardes un objet volant non identifié qui est autre chose qu'un missile cruise ou des choses dans le genre, quand tu observes un véhicule apparemment, disons, aérien, qui n'est pas de conception apparemment terrestre en ce sens, apparemment actuel, qui ne provient pas d'aucune usine industrielle d'aucun des continents d'aujourd'hui. Quand tu vois que ce phénomène a un bouclier de camouflage qui est absolument bizarre, c'est-à-dire que qu'il disparaît, si tu tires un obus dessus, l'obus va en ligne droite mais ne le traverse jamais, c'est-à-dire que c'est comme s'il ne le rencontrait jamais. Alors, quand tu regardes ce genre de choses, quand tu vois aussi que ce phénomène extraterrestre, que le véhicule aérien peut bifurquer à 90 degrés ou encore à 120 degrés, changer de trajectoire, qu'il peut, comme s'il était aspiré par un trou vide en avant de lui, accélérer une vitesse fou, pas dire folle. Et quand tu vois ce genre de choses, eh bien, l'humain qui observe cela pense que ça provient non pas de l'avenir, mais d'un phénomène extraterrestre, donc d'une autre planète, sinon d'une autre galaxie. Il est beaucoup plus facile pour l'humain, pour la science, d'accepter l'idée que d'une autre étoile, d'une autre planète, peut provenir une vie intelligente, plus que de penser que ça vient de l'avenir. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on voit ce genre de bidule, on appelle cela extraterrestre, donc d'une extraterrestrialité à notre monde. Puis ta définition à toi d'un extraterrestre, c'est quoi? La définition d'un extraterrestre, c'est quoi? Chose certaine, c'est qu'extraterrestre, quand vous l'écrivez maintenant, sachez que ça prend plus de tiret. Bon. C'est un mot? Oui. C'est tout? Bon, ouais, c'est une définition, là, c'est dans le dictionnaire. Oui. Mais est-ce que c'est des gens qui viennent du futur ou c'est des gens qui viennent d'ailleurs? Des gens. Ou des choses? Des bébites? Des êtres. Les extraterrestres, ça vient de... Il y a des intraterrestres, il y a des extraterrestres qui proviennent de d'autres phénomènes planétaires, il y a des extraterrestres qui sont construits exclusivement dans le monde de la mort, dans le monde astral, pour venir berner l'humain. Il y a des extraterrestres qui proviennent de l'avenir, et il y a encore quelques phénomènes extraterrestres qui proviennent du passé. Alors, c'est pas ma définition, mais ça, c'est l'explication, disons, c'est une observation des mécanicités extraterrestres globales aujourd'hui. Il y a donc des voyageurs qui ont abouti sur la planète Terre il y a 30, 35, 40 000 ans, qui ont voyagé à travers le temps pour venir voir un peu ce qui se passait dans l'avenir. Alors, ils nous apparaissent sur nos écrans radars ou encore devant notre vue, devant notre regard. Ces extraterrestres-là proviennent du passé. Il y a des extraterrestres qui proviennent de l'avenir. Ce sont des êtres humains qui voyagent par transport séraphique et qui auront la faculté de conceptualiser des véhicules plus ou moins vitals, donc plus ou moins matériels, dans les temps actuels. Et ces extraterrestres-là viennent donc du futur. Il y a des extraterrestres qui sont la création du monde de la mort, c'est-à-dire que quand la psychologie, quand l'astral, quand l'ego de l'homme, quand l'âme de l'humain a l'espoir en quelque chose, il demande une matrice pour placer son énergie, pour nourrir le monde de la mort. Alors, si on a besoin d'un dieu, le monde de la mort nous envoie des dieux. Si on a besoin de demi-dieux, il nous envoie des demi-dieux. Si on a besoin d'extraterrestres, il nous envoie des extraterrestres. Ceux qui ont besoin de la Vierge Marie, leur envoie une Vierge Marie. Bon. Et il y a, provenant de Vénus, des vieilles mémoires archétypales, provenant de la Lune, provenant de Mars, provenant d'un des satellites de Jupiter, provenant de Sirius, provenant d'autres étoiles. Quand on parle d'une étoile, on parle surtout d'un contexte planétaire, mais qui est en rotation, en orbite autour d'une étoile. Et il y a des mécanicités qui, à travers les temps, ont été projetées et qui ont la possibilité, lorsqu'ils sont énergétiquement en contact avec la mémoire de notre planète, de se servir des vieux archétypes planétaires pour reconstruire la trame sur laquelle a été bâtie leur mémoire dans leur temps, il y a de cela quelques années-lumière. Et lorsqu'ils rebâtissent leur trame mémorielle, eh bien, ils reprennent naissance. C'est un peu comme si on avait déshydraté des mémoires dans certains contextes évolutifs de l'Antiquité. Et ces mémoires photoniquement ou énergétiquement rayonnent, comme toute l'expérience planétaire n'est pas mémorisée au niveau du monde de la mort, mais ce n'est pas exclusivement confiné au niveau du monde de la mort. Toute forme d'énergie va jusqu'à l'infini, jusqu'à temps qu'il frappe quelque chose pour l'absorber. Alors tout ce qui s'émet de la planète Terre voyage, comme a voyagé ces mémoires déshydratées, disons désénergisées, et lorsqu'elles rentrent en contact avec la vibration planétaire, elles sont réhydratées énergétiquement. Ces mémoires retrouvent donc leur tridimensionnalité. Ils retrouvent leur vie. Donc, ils se rappellent d'eux, donc ils reprennent naissance. Et c'est la majorité des voyages extraterrestres, ou, si on peut dire, des interventions réellement extraterrestres dans l'actuel présent. Ce sont des réhydratations énergétiques de mémoires de d'autres planètes qui, dans notre contexte à nous, viennent s'ajuster à ce que la conscience de l'homme a besoin. Et ils ont besoin, pour s'ajuster, de connaître la trame psychologique de l'homme. Et comme ils sont réhydratés dans le monde de la mort, donc dans le monde psychologique planétaire de l'homme, ils sont totalement adaptés à ce que l'humain a besoin. Donc, un extraterrestre soviétique ou un vaisseau spatial soviétique sera différent des vaisseaux spatials américains et différent des vaisseaux spatial français. Les extraterrestres ou les êtres extraterrestres qui vont, disons, habiter ces vaisseaux seront aussi quelque peu différents. Et ces mémoires étant réhydratées, eh bien, elles vont se réhydrater jusqu'à un point où elles vont se densifier. Et c'est pourquoi l'extraterrestre, réellement d'une provenance extraterritoriale de notre Terre, va lentement devenir une espèce de monstre qui n'a pas la faculté de conduire son vaisseau spatial jusqu'à devenir même de la glace. Alors il disparaît totalement, il se terrestrifie de Z à A. Et pourquoi utiliser un vaisseau spatial? Simplement parce que le vaisseau spatial devient l'enveloppe de la... Il faut bien comprendre qu'un transport séraphique, c'est lorsque l'être humain qui a une fusion avec son dôme éthérique a, ou qui n'a pas encore suffisamment évolué, donc à l'époque antélémurienne, un homme, un être humain, une femme, un homme, un enfant, qui a la faculté de projeter l'enveloppe de son âme, donc le périsprit, le séraphin, à travers un continuum spatio-temporel, va être aspiré par ce canal et il vit donc un transport séraphique. Dans un contexte où, antérieurement à l'involution luciférienne de l'homme, dans d'autres mondes, il y a eu effusion d'énergie, donc création de mécanicité évolutive stagnante ou évolutive ascendante, beaucoup plus haute que celle de l'homme. L'homme est allé beaucoup plus bas, mais c'est essentiel. L'homme est une projection d'énergie, d'intelligence, d'énergie d'intentionnalité à travers les mondes les plus refroidis de la création. Mais dans des mondes moins refroidis, dans des mondes plus réchauffés, plus chauds, l'évolution s'est faite à un niveau beaucoup plus... a été arrêtée à un niveau beaucoup plus haut que la nôtre. De ce point de vue, les êtres humains qui vivaient à cette époque, on peut parler d'êtres plus que d'êtres humains, c'est même pas tout à fait androïde, vont vivre cette projection séraphique, donc ils seront capables de temps en temps d'être projetés par extension du périsprit du corps séraphique à travers le continuum spatio-temporel, donc on fait partie de notre univers, et ils peuvent arriver jusqu'à notre Terre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vaisseau spatial est en réalité l'âme, le périsprit de l'âme d'un extraterrestre. C'est-à-dire que le vaisseau spatial, lorsqu'il s'identifie ici, vu qu'il parvient dans notre monde par transport séraphique, c'est l'extension de l'enveloppe de son âme. Ce qui va créer le vaisseau spatial sera une densification vitalo-matérielle de l'enveloppe séraphique, de l'enveloppe périspritique de l'âme. Ce qui va habiter le vaisseau spatial sera de l'énergie vitale avec ce qu'on pourrait appeler une âme, donc un être, mais l'extraterrestre qui arrive chez nous par transport séraphique, donc par vaisseau spatial, de cet ordre, n'a pas une âme comme nous la connaissons, c'est-à-dire qu'il devra végéter suffisamment longtemps dans le monde de la mort planétaire pour parvenir à comprendre la psychologie de l'homme, pour parvenir à être émotivisé planétairement et pour parvenir à missionner l'humain comme la majorité des extraterrestres involutifs l'ont fait. Alors, ils ont un vaisseau spatial comme cela. Si on regarde les interventions dans les temps à venir de mécanicité extraterrestre, il y a deux ordres d'intervention. La première sera une intervention de phénomènes provenant de l'avenir et l'autre sera une intervention de mécanicité supramentale. Mais l'intervention de ces extraterrestres-là, d'après ta définition, ça ne me semble pas être nécessairement des êtres supérieurs à l'humain actuellement. C'est supérieur à l'humain en ce sens que, exactement comme si toi tu sors de chez vous, tu rencontres un Esquimau, un Inuit dehors, tu es beaucoup plus chaud que lui. Hein? Tu peux courir plus vite que lui, tu peux danser, tu peux chanter, lui est gelé. La seule affaire qu'il y a, c'est que si tu restes à côté dehors, à côté de lui, au bout d'un an ou deux, tu vas être beaucoup plus inadapté à température, disons, glaciaire, que lui. Alors là, il sera plus évolué que toi. Il aura à peine changé, mais toi, tu es un mécanisme en phase d'adaptation, tu n'es pas adapté à la température ambiante, alors que lui, il est adapté. Donc, tu vas te refroidir lentement, puis tu vas venir plus froid que lui. Tu vas être plus... Tu pourras plus courir, plus chanter, il faudra qu'il te nourrisse, il faudra qu'il chasse pour toi. Puis après un grand laps de temps d'adaptation, tu vas possiblement pouvoir finir par vivre comme lui, mettre les mêmes lunettes que lui, puis manger comme lui, puis te recouvrir de graisse comme lui. Mais avant ça, il y aura une mécanicité d'adaptation. Aujourd'hui, l'homme, par rapport à ces extraterrestres-là, lequel est le mieux adapté au climat terrestre? Celui qui vit sur la Terre. De toute façon, là, qu'est-ce que l'extraterrestre peut nous apporter? Premièrement, la première intervention extraterrestre, c'est l'intervention d'énergie. Donc, ça ne vient pas sur le plan planétaire dans un véhicule aérien. Donc, ce n'est pas perceptible sur un radar. C'est une conscience qui n'est pas créée à même l'expérience humaine planétaire, qui n'est pas créée à même l'usure des vieux archétypes planétaires, en l'occurrence Dieu, le Père, la Mère, qui n'est pas rayonnée par la Terre et qui n'est pas non plus rayonnée par l'homme, même dans l'actuel temps. Cette intervention extraterrestre, c'est une énergie qui est émise du centre de notre galaxie et qui rayonne dans presque toutes les directions, mais qui a certaines concentrations. C'est un peu comme si l'énergie frappant différents soleils finit par bifurquer dessus et il y aura des concentrations plus massives de faisceaux dans certaines régions de la galaxie et un peu moins dans d'autres. Présentement, notre système solaire traverse depuis 1969 une région qui est de plus en plus dense en énergie supramentale et cela va continuer jusque dans les débuts de l'an 1992. Et ça va s'amplifier encore, ça va devenir un peu stagnant jusqu'à l'an 2023 et ça va recommencer à redescendre et là, il ne va rester que le rayonnement planétaire pour les 13 800 ans à venir. L'humain sera intelligent, pas intellectuel. Cette intervention supramentale a une faculté, c'est qu'elle permet la mutation neuronique, la mutation cellulaire, la mutation atomique, donc elle a une ingérence subatomique, énergétique atomique, à travers le système neuronique de l'homme et le système endocrinien de l'homme, ce qui permet à l'homme de, s'en rendre compte ou en s'en rendant compte à un moment donné, lorsqu'il est instruit par son ajusteur de pensée, d'avoir une mutation corporelle qui va le mettre en relation avec une forme d'énergie, donc une forme d'intelligence, qui n'est pas mémorielle, qui ne provient pas de la tradition du passé et qui n'est pas sujette à l'accumulation expérientielle de tous les humains sur la planète, donc qui n'est pas reliée à l'histoire humaine, mais qui est reliée à quelque chose qui n'est pas humain, pas planétaire, qui est, grâce à sa rapidité d'expression, beaucoup plus instantanée que l'histoire ou que la mémoire planétaire, et qui amène à l'homme une vision galactique de sa condition, plutôt qu'une vision nombritique, animale, une vision politique, une vision théologique, une vision émotive ou cartésienne de sa présence dans l'échelle de l'univers. Cette intervention extraterrestre, elle va donc permettre à l'humain d'entrer dans une phase de mutation qui va engendrer l'homme nouveau, la femme nouvelle et l'enfant nouveau. Et cela va permettre à ce facteur génétique mutatif, donc l'être humain va renaître totalement. Il ne sera plus attaché ou entaché par la génétique de ses parents. Et cela va mettre l'être humain en relation avec l'énergie vitale belzébucienne de la planète Terre, qui va lui permettre de vivre consciemment ou inconsciemment selon son degré de réchauffement, donc le degré de contact et de contrôle de son ajusteur de pensée avec le plan supramental, de vivre une relation avec la planète qui va lui permettre d'être toujours là où il doit être au bon moment. Cela veut dire que s'il y a un tremblement de terre majeur, par exemple, dans un état soviétique, celui qui a un contact mutatoire, fusionnel avec cette énergie supramentale qui est finalement son esprit, il y a différentes couleurs d'esprit, différents esprits, on va revoir un peu cela la semaine prochaine, mais l'individu qui est en contact avec ce phénomène espritique ne restera pas dans cet état soviétique, il sera dans un endroit où il n'y a aucun danger pour sa génétique. Psychologiquement, la psychologie de plus en plus est égoïsée, donc il y a un grugement psychologique, ce qui fait que l'être humain devient de moins en moins émotif, mais de plus en plus sentimentique. Il va vivre d'une relation vibratoire avec l'événement, avec l'événementiel, avec l'extérieur, plutôt que d'une relation mémorielle où par la suite, son système endocrinien va lui ramener des émotions pour lui faire goûter ce qu'il a vécu. Il sera donc attiré ailleurs. Il sera attiré, exact. Même le terme est même extrêmement intéressant, c'est que l'être humain ne sera pas répulsé d'un endroit, il sera attiré vers un autre endroit. Cela va faire en sorte qu'il ne vivra pas de peur. Il ne quittera pas, par exemple, Montréal parce qu'il a peur de tremblement de terre. Il va être attiré vers une région particulière, la province de Québec, parce que subitement, il y a le goût d'y aller. Alors, il ne vit pas la relation émotive de fuite qui, normalement, a toujours été le critère majeur au niveau de l'évolution. La peur, la souffrance. Et il va vivre une relation de sentiment, une relation de plaisir, une relation de réelle harmonie avec simplement les conditions. Si tu es utile génétiquement, on ne te tue pas. C'est illogique, c'est ridicule, c'est inutile. Ça demande trop d'énergie à la nature, trop d'énergie aux forces vitales planétaires. Pour reconstruire une génétique comme la tienne, c'est préférable juste de te donner une information sentimentique, vibratoire, qui va te diriger vers une région où il n'y a aucun problème. Puis ça, c'est un phénomène extraterrestre qui communiquerait ce goût-là d'aller dans une autre. Ça, c'est une des grandes interventions extraterrestres. C'est une des majeures. C'est une intervention majeure la plus subtile, la plus imperceptible, qui commence déjà à manipuler les gens et qui va faire en sorte que d'ici quelques temps, il y aura une migration massive des gens qui vivent au nord vers le sud, et il y aura donc libération des territoires nordiques pour ceux qui auront une conscience supramentale, et par la suite, il y aura une migration des gens des cantons de l'Est, du bassin, disons des plaines du Saint-Laurent, vers le nord, parce qu'eux seront attirés vers le nord. Et les gens qui, même spirituellement, je dis ceci, des gens pourraient dire, « Ah ben, crime, moi, je veux rester au nord d'abord, parce que c'est là que je vais être sauvé. » Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que les gens ne dormiront plus au nord. Et ils vont maigrir, ils vont avoir de la difficulté à digérer, ils vont être toujours en train de s'astiner, ils vont être en maudit, ils vont être absolument impatients. Ils vont descendre à un moment donné à Montréal, ils vont se retrouver chez eux, ils vont se sentir bien, ils vont dormir ici. Alors, lentement, la vie va être absolument intenable dans le nord. Et les gens, donc, qui n'ont pas à habiter ces territoires dans les temps qui vont venir, vont nécessairement migrer vers le sud. Il y aura des migrations comme ça un peu à l'échelle de la planète, c'est-à-dire une migration vers le Québec ésotérique, le KEBEK, les terres blanches, qui est la première terre de surface, le bouclier canadien. Et ces migrations sont commencées depuis 1969 et ils vont évidemment aller d'une façon de plus en plus grandiose. Est-ce que le phénomène extraterrestre s'applique à des groupes d'individus ou à des individus? Le phénomène, la première intervention extraterrestre, donc il y en a deux ordres. La première, celle qui présentement déjà anime des Québécois et d'autres ethnies à travers le monde. Cette première intervention extraterrestre, la plus marquée, la plus grandiose, mais la moins perceptible par l'humain, parce que l'humain, ce qu'il va percevoir, d'ailleurs, toutes les interventions extraterrestres seront imperceptibles, sauf pour celui qui sera suffisamment conscientisé pour s'en rendre compte. Il n'y aura pas d'extraterrestre qui va apparaître dans ta cour, qui va te dire, viens-t'en, vite, ça va trembler dans 5 minutes. Et puis à toi, ben là, tu vas chercher ta brosse à dents, ton bikini, ouais. Puis t'embarques dans la soucoupe volante, puis tu décolles. Si t'embarques dans une soucoupe volante comme ça, tu risques fortement de servir de cobaye. Ils vont te cobayiser, t'es fait. Pour les rares interventions extraterrestres, c'est réellement des imbéciles extraterrestres qui vont rencontrer des animaux humains, mais pas des terrestres extra. Alors, l'intervention extraterrestre n'est pas une intervention marquée, quoique c'est une intervention qui dépasse totalement dans son amplitude ce que la science-fiction a imaginé et ce que la science humaine peut oser. C'est plus une manipulation des goûts, des désirs, qu'une intervention physique, de le prendre et de le faire. Non, le premier phénomène extraterrestre, c'est une intervention dans la conscience de l'homme, donc une intervention, et ce n'est pas un être extraterrestre qui tripote tes neurones. Ça, c'est extrêmement important de bien saisir la nuance. C'est de l'énergie. Mais la même énergie qui a créé le verre, qui a créé l'homme, qui a créé la chaise, la terre, les plantes, c'est la même énergie, à un niveau de vibration supérieur, donc plus réchauffé, donc plus intelligent, plus disponible à l'instantanéité, moins entaché de mémoire. Mais ce n'est pas une identification ou une personnalisation extraterrestre, il n'y a pas un bonhomme qui va venir te dire « tu fais ceci, fais cela ». L'intervention extraterrestre de premier ordre, c'est une intervention extraterrestre par couplage avec l'humain. Et c'est l'humain qui garde le contrôle, donc l'humain va découvrir de nouveaux sens, l'humain va découvrir qu'il est de moins en moins assujettissable à la souffrance émotive, de moins en moins assujettissable à la peur traditionnelle, à la peur mémorielle, et de plus en plus en affinité avec l'instantané, donc il va de moins en moins réfléchir, il va finir par ne plus penser. Il agira, il accomplira, il parlera, il s'exprimera, mais il ne pensera plus, et il sera beaucoup plus efficace à travers l'évolution problématique des temps à venir. Première intervention extraterrestre, mutation neuronique, donc contact avec l'intelligence supramentale de la part de l'homme, déconnexion de l'ajusteur de pensée et du canal réincarnationnel, étranglement du canal réincarnationnel pour déconnecter l'humain des archétypes réincarnationnels qui vont continuer à venir le hanter, ce qui va nécessairement engendrer une recrudescence par manque de support réincarnatif, une recrudescence des forces d'involution, des forces du mal. Qu'est-ce que c'est qu'une force du mal? C'est une force mémorielle. Toutes les forces mémorielles sont des forces du mal devant l'intelligence ou devant l'instantanéité. Et nécessairement, il y aura des humains qui vont de plus en plus être entachés de la tradition et qui vont lutter contre tout ce qu'il y aura de neuf. Il y aura un combat. Il va y avoir un combat, une guerre. Et première intervention extraterrestre, donc mutatoire, qui fait que l'humain devient un être nouveau. Et ces êtres-là, ils ne sauront pas, mais ils seront là où ils devront être, lorsque ce sera nécessaire qu'ils soient là. Par contre, pour faciliter la deuxième intervention extraterrestre, intervention plus rapide, une intervention plus, disons, en cas de crise majeure, une intervention qui est beaucoup plus imposée dans un court laps de temps. Si on regarde 1969 aller jusqu'à l'an de, disons, 1992-93, ça fait plusieurs années. Et à un moment donné, il y aura en dedans de quelques mois, quelques années, une intervention extrêmement plus poussée. Intervention qui reste encore sournoise, une intervention qui n'est pas tellement visible. On parle toujours de bonne intervention extraterrestre, une intervention extraterrestre qui ne vient pas dire à l'homme comment l'homme doit agir, une intervention extraterrestre qui ne vient que préserver l'homme. Qui vient du même niveau supramental ou qui vient non. d'ailleurs? Non, cette intervention extraterrestre, la deuxième, provient de l'avenir. Elle est supramentale, supramentalisée, en concordance avec les phénomènes supramentaux, en accord avec les mécanicités humaines. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai déjà expliqué qu'il y a, surtout dans le séminaire que j'explique ce genre de choses, mais j'ai déjà expliqué qu'il y avait des réincarnations de l'avenir dans l'homme. Toi, tu es un être réincarné, pluralitairement réincarné. Tu as donc plusieurs mémoires de différentes personnalités qui datent de le début de la conscience humaine sur le plan planétaire, donc de quelques milliards d'années. Mais il y a aussi chez toi des mémoires qui proviennent de l'avenir. Et ce sont ces mémoires qui vont te faire reconnaître des choses. 9. Tant que tu n'auras pas suffisamment d'intelligence supramentale, alors à un moment donné, tu vas dans une région où tu n'as jamais été, mais le personnage qui est allé dans cette région-là, toi, dans l'avenir, c'est déjà inscrit, se réincarne immédiatement chez toi, ce qui fait que quand tu visites ce lieu, tu reconnais ce lieu. Ce n'est pas parce que dans une autre vie antérieure, tu as vécu là, mais c'est dans une vie par la suite, postérieure, que tu vas vivre, que tu as été visiter l'endroit. Alors, dans l'an 3200, il y a énormément de problèmes, disons, dans les débuts de l'an 2000, fin 1990, et il y a des mécanicités qui se réincarnent déjà à travers certains humains et qui vont appeler ces humains dans certaines régions de notre planète. Là où il y aura l'intervention massive, la deuxième intervention, celle qui n'est pas encore arrivée, mais qui risque fortement d'arriver dans l'état à venir, une intervention qui demande plusieurs choses. Premièrement, il y aura des êtres humains qui sont en phase d'évolution supramentale, donc en phase d'évolution vers une conscience individuelle, vers une conscience intelligente, qui vont se détacher du passé pour pouvoir se tourner vers le neuf. Le neuf est nécessairement vers l'avenir et non pas vers le passé. Ceux-là sont appelés à être, non pas sauvés, mais à être aidés. De quelle façon? Par des mécanicités, justement, qui proviennent de l'avenir. On peut dire extraterrestres, parce que la science et la majorité des chercheurs ovniques cataloguent ces mécanicités d'extraterrestres. Mais ce serait des terriens du futur. Oui. Mais disons que la majorité de leurs... On les appelle extraterrestres quand même, mais pour distinguer avec l'énergie supramentale dont on parlait tantôt, c'est pas le même type. Il y a même plusieurs phénomènes qui vont venir intervenir et qui n'ont pas été créés sur la planète Terre, mais qui ont été créés par des humains qui ont leur descendance de l'éther. Donc, ça reste extraterrestre. Alors, il y a... imaginons un scénario, simplement. Nous sommes en l'an 3200, et puis nous regardons vers la fin 1900, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un début de recrudescence de tremblements de terre. Il se passe que ces tremblements de terre n'ont pas l'envergure qu'on attendait prophétiquement. Ils sont là juste pour donner l'illusion à l'humain que les prophéties vont s'accomplir. Ça fait sécréter l'humain, plus l'humain sécrète grâce aux prophètes de malheur, plus ces prophéties sont éliminées des contingences du futur. Et il y a des humains qui vivent une conscience supramentale, des humains qui vivent dans certaines régions de la planète et qui, à un moment donné, vont écrire des livres, vont écrire des articles ou vont simplement inviter des amis à rencontrer des conférenciers. C'est ce qui s'est passé vers la fin 1990, début l'an 2000. Pourquoi ces humains faisaient cela? Simplement parce qu'ils avaient reconnu dans un écrivain, ils avaient reconnu dans un conférencier de l'intelligence. Et ils préféraient venir passer leur soirée au contact d'un rayonnement intelligent, même si eux aussi étaient intelligents, plutôt que d'être chez eux au contact de la télévision, de leur show, de leurs voisins. Et ils ont amené dans ces conférences, ou à lire ces livres, ou ces revues, ou ces articles, ou ces choses-là, ils ont de plus en plus amené des gens avec qui ils vibraient de l'intelligence, de façon à ce que ces gens, au contact d'une densité, donc d'un paquet de gens intelligents, se réchauffent plus rapidement. Et ils ont, certains personnages ont compris l'intelligence d'expandre à travers la province de Québec, le Canada, les États-Unis d'Amérique et un peu ailleurs sur la planète, l'intelligence de l'idée que ces humains doivent se grouper. Non pas se grouper pour nécessairement vivre dans un même lieu, mais se grouper en ce sens qu'ils doivent créer une synergie énergétique, c'est ce qu'ils ont fait, de façon à ce qu'ils deviennent comme un réacteur nucléaire, c'est-à-dire que plus il y a de barres d'uranium en activité, plus il y aura d'individus avec de l'intelligence, plus le réacteur se réchauffe. Plus il se réchauffe, plus il vient énergiser les barres d'uranium, et on doit, à un moment donné, dans un réacteur, avoir une réaction contrôlée, mais dans le phénomène supramental, c'est contrôlé par l'ajusteur de pensée. Mais ce n'est pas besoin d'être contrôlé, en ce sens qu'il n'y a pas une température limite à atteindre. Alors, ces êtres humains se réunissaient, il y avait quelques conférenciers dans la province de Québec, ça n'a aucune importance, l'important était que celui qui est tout seul chez lui devait, et finissait par comprendre l'intelligence, d'aller vers un des ex-conférenciers dans la province de Québec, de rencontrer des gens, d'aller au cinéma avec des gens qui vivent de l'intelligence, le film est différent, simplement de façon à ce que leur énergie, il n'y a plus de têtage d'énergie parce qu'ils ne se promènent pas avec plus froid qu'eux, crée une synergie. Cela a engendré, dans ce temps, la création de groupements humains, d'intelligence, qui, certains ne faisaient que faire du conditionnement physique. Pourquoi? Pour rien. Simplement pour s'entraîner, pour se tenir en santé. Et ils étaient entre intelligents, entre hommes, femmes, enfants, transitifs, aux nouveaux, nouvelles. D'autres discutaient, d'autres ont écrit des livres, d'autres ont simplement fait des conférences, d'autres ont essayé de divulguer le travail de d'autres conférenciers. Simplement dans le but de forcer à ce qu'une personne qui reste à la TUC, une personne qui reste à Sherbrooke, une personne qui reste à Ottawa, une personne qui reste à Chicoutimi, qui est intelligent, puisse savoir qu'existent dans la province de Québec des régions où il y a beaucoup de gens intelligents qui de temps en temps se réunissent, même si c'est juste pour jouer au backgammon. Et de temps en temps, ces personnages ont commencé à penser qu'ils n'étaient pas les seuls. Et ça, ça continue à rajouter des barres d'uranium dans le réacteur nucléaire supramental, ça continue à augmenter la synergie. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'à un moment donné, ces groupements se sont réunis quelque part sur le territoire de la province de Québec. D'autres se sont réunis quelque part sur un certain territoire particulier de la planète Terre. Et se réunissant-là, on va prendre l'exemple d'un territoire québécois, ils se sont réunis là en groupe et ils ont acheté des maisons. Et puis ils ont décidé de rester relativement proches parce que c'était plus plaisant de se payer des taxes entre eux autres puis de quitter le bassin montréalais. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que tout un territoire au complet qui avait été acheté par ces individus a été de plus en plus calme. Les individus qui vivaient là se sont rendus compte que de moins en moins il y avait d'insectes, que de moins en moins on entendait parler de bruits de guerre. Ces individus-là n'avaient aucune idée, aucun désir de descendre à Montréal ou d'aller à Saint-Eustache ou Saint-Jérôme ou ces places-là. De la Québec, de la Ottawa. Ils restaient où ils étaient et puis finalement ça allait bien. Ils avaient réuni force des contacts, de la science. Ceux-là, ces personnages-là qui étaient seuls dans leur université ou chez eux et qui pensaient qu'ils étaient les seuls, ça peut ne pas être fou comme ça. Bien lentement, ils se sont rapprochés, alors ça a créé des régions comme ça. Et ils ont vécu là pendant 25 ans, 26 ans, sans se demander ce qui se passait à l'extérieur. Ils avaient leur propre diffusion télévisée, pédagogique, ils avaient leur propre système d'entraînement ou d'entretien biologique, physique. Ils avaient leur propre système médical, ils avaient leur propre système d'urgence, c'était bon, ça allait bien. Ça a fonctionné pendant 26 ans et par la suite, à un moment donné, ils ont eu le goût de descendre. Mais 26 ans après, ils savaient que lorsqu'ils descendraient à Montréal, ce ne serait pas le même Montréal. Lorsqu'ils iraient à Saint-Jérôme, lorsqu'ils iraient ailleurs, ce ne serait pas la même chose. Ça, c'est ce qui est arrivé pour ces humains-là. Pour l'extérieur des humains, eh bien, il y a des territoires, à un moment donné, qui ont été achetés par des disciples d'un tel. Les disciples d'un autre, parce que l'humain, il voit les choses comme il voit les choses émotivement. Et il y en a qui, ça s'est extrêmement parlé. Et puis, des territoires qui ont été achetés, et puis là, il y a des expériences scientifiques qui ont été commencées là. Et puis, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des problèmes majeurs. Je n'énumérerai pas tous ces problèmes-là, parce que l'avenir est en changement. De notre point de vue, ça reste de l'avenir, même si du point de vue où je parle présentement, c'est un phénomène du passé. Mais émotivement, l'humain colore trop les choses facilement. Et il y a eu des problèmes majeurs, des problèmes qui ont engendré des destructions et des famines. Et à un moment donné, bien, on ne s'est plus préoccupé de ce territoire. On savait que le territoire avait été balayé de toute façon militairement ou telluriquement. On savait qu'il ne se passait plus rien là. Et puis, on s'est arrangé pour survivre tant bien que mal à travers les catastrophes qui se sont cumulées les unes par-dessus les autres. 26 ans après, on recommence à rebâtir un peu les structures, et à un moment donné, ben, il arrive des survivants de ce territoire-là qui descendent. Mais on se rend compte qu'ils ont des véhicules encore opérationnels, on se rend compte qu'ils ne sont pas maigres, qu'ils n'ont pas l'air d'avoir vieilli comme nous autres, enfin comme les humains montréalais ou le reste de la province de Québec aura vieilli. Et on se rend compte aussi qu'ils ont la possibilité d'aider le peuple d'une façon absolument géniale. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce territoire-là n'aurait pas été touché? Où il était pendant ce temps-là? Est-ce qu'il était encore sur la planète? C'est ça. Il y a eu une intervention extraterrestre que personne ne sut. Alors, on a un territoire de plusieurs milliers d'hectares qui va, à un moment donné, être chapeauté par un véhicule extraterrestre qui descend sur le territoire, qui s'imbrique, qui s'imprègne même, qui se fusionne au sol et qui va gruger dans le sol même de la planète une immense quantité de matière. Et lentement, il va décoller avec tout ce territoire. Et il va laisser une photographie hologrammique tridimensionnelle du territoire, structurée dans de l'énergie vitale de ce territoire-là. Et celui-ci sera soumis à l'évolution archangélique, donc à l'évolution archétypale des territoires adjacents, donc du reste de la province de Québec. S'il y a destruction, il y aura hologrammement, apparence de destruction sur le territoire aussi. Tous les humains qui vivent là n'auront donc jamais pris conscience qu'il manque quelque chose. Et tous ceux qui sont présentement partis n'auront jamais conscience qu'ils sont partis. À un moment donné, quelques années après, on va replacer le territoire à sa place. L'hologramme est démoli. Et les personnes, maintenant, auront le goût de sortir. Ils pourront sortir. La majorité sauront entre-temps ce qui s'est passé. Ils sauront qu'ils sont à bord d'un vaisseau extraterrestre. Donc, sur la planète Terre, mais sur une planète Terre qui a une limite plus petite. Et ils ne verront pas l'intelligence de sortir ou de se promener à l'extérieur. Ça, c'est une intervention. Il y a des choses sur lesquelles je vais passer, et puis s'il y a des questions lors de la deuxième partie, on pourra y revenir. Maintenant, ça, c'est l'intervention au niveau massif. Du point de vue de l'avenir, quand on regarde le passé, on sait qu'il y a eu des contingences totales d'humains qui ont été sauvés sans avoir eu à s'adapter à l'agression ou à l'intervention supramentale ou à l'intervention extraterrestre. Donc, c'est une intervention qui laisse l'humain totalement libre d'être ce qu'il est, de continuer son évolution en fonction d'un facteur récessif supramental, mais sans intervention émotive, spirituelle, extraterrestre, avec l'unique intervention matérielle extraterrestre. Sans qu'un choix finalement conscient. Sans qu'ils se mettent à genoux devant leur sauveur, ils ne sont pas sauvés, ils sont aidés. Maintenant, pourquoi ces humains-là, plutôt que les autres, à cause de l'intelligence, comme tu disais tantôt, la réaction en chaîne de l'intelligence supramentale? Ce sont les seuls individus qui ont la faculté sentimentiquement, donc intelligemment, de vibrer à s'associer en gardant leur conscience individuelle en travaillant scientifiquement, en travaillant psychologiquement, en travaillant d'une façon à augmenter la condition de vie de l'humain, non pas juste de l'air, et en préservant l'énergie. Ce sont des humains qui vibrent à une résonance de l'instantané et qui sauront donc, auront à un moment donné le désir de se déplacer pour rejoindre des individus. Pas parce qu'ils veulent être sauvés, parce qu'ils vibrent bien avec, simplement. Et ils auront à un moment donné la vibration aussi de vivre dans une région particulière à la province ou du bouclier canadien. Pas pour être sauvés, parce qu'ils vibrent bien là. Alors pourquoi ce sont ces individus-là? Ce seront les seuls qui vibreront bien là. Et nécessairement, ces individus qui vibrent bien là sont des individus qui vont avoir confiance à ce qu'ils ont en eux. Donc, à l'intelligence supramentale. Et nécessairement, ils ne peuvent pas, les individus qui vont se fier aux prophéties vont se garocher là où il y aura les plus grandes catastrophes, même si dans les prophéties, on prédit que c'est là que ça ira bien. Alors, pourquoi ces individus-là? Simplement parce que ce sont les individus qui sont les plus en affinité avec ces régions. Donc, ce sont ces individus-là. Eux, ensuite, aideront le reste? C'est toujours une mécanicité qui est essentielle, c'est que l'humain s'en sort globalement. Il n'y a pas d'humain qui s'en sort tout simplement, tout comme ça. Là. Maintenant, il y a des individus qui, en dernière limite, vont vibrer à l'intelligence supramentale, mais ne feront pas partie du dégroupement. Et vu qu'ils ne feront pas partie du dégroupement, ils ne pourront pas être sauvés. On n'ira pas chercher leur maison en leur donnant l'idée de ne pas sortir de la maison pendant 26 ans. Ils ne pourront pas vivre biologiquement. Alors, ceux-là sont exclus de l'intervention extraterrestre massive qui descend englober, digérer un territoire, laissant un hologramme tridimensionnel. Les hologrammes sont tridimensionnels, mais c'est un hologramme quadridimensionnel, je devrais dire pour être plus précis, un hologramme qui a la faculté d'évoluer dans le temps. Bon. Ces personnages qui sont ectopiquement répartis à travers le monde sont des individus qui ont une génétique intéressante et qui sont mal pris, qui vont devoir vivre un apocalypse. Mais ces génétiques sont intéressantes et le vécu de leur apocalypse ne doit pas amener une destruction de leur génétique. Elle est utile. Alors, il y aura une autre intervention extraterrestre qui va faire en sorte que ces individus vont être totalement protégés par des mécaniques manipulatrices extraterrestres qui vont forcer mécaniquement les individus pas suffisamment sensibles pour se diriger d'eux-mêmes d'une région à une autre, mais ça va les forcer mécaniquement à déménager. Ces individus-là seront habituellement des MTS, des martyrs de la transition supramentale. Et lorsqu'ils seront déplacés, ils seront toujours en train de crier, de chialer, de ne pas voir l'intelligence, de ci, de ça. Ouais, ma maison passe au feu, puis tu me dis, c'est quoi l'intelligence? Là, maintenant, il faut que je m'en aille vivre. C'est ça. C'est parce qu'il va y avoir un tremblement de terre ou une bombe, il va y avoir quelque chose là. Mais vu que toi, tu ne peux pas comprendre, mais que ta génétique, elle est apte à transmettre une génétique qu'il pourra comprendre ou bien non comprendre plus tard par évolution cellularisante, par cellularisation, eh bien, mécaniquement, on va te botter le derrière. Il y aura donc une intervention mécanique extraterrestre, même androïde extraterrestre, des gens que tu vas rencontrer qui vont manipuler l'individu à s'en aller et à fuir la majorité des catastrophes qui risquent fortement d'entacher, de colorer le monde planétaire dans les années à venir. Donc, eux ne sont pas attirés vers un territoire extérieur, mais repoussés de leur territoire. Moins agréable. Énormément moins agréable. De toute façon, c'est style MTS, le style du martyr de la transition supramentale. Il y a un contact avec l'astral supramental, il y a trop d'ego, alors évidemment, il souffre. Par contre, il y aura des êtres humains qui auront des rôles à jouer. Des rôles à jouer par leur apparence physique, des rôles à jouer dans le contexte planétaire, des rôles à jouer en tant que guide. Ou simplement, le terme plus précis serait, ça va être des créateurs de diarrhée. Ils vont faire chier le monde. Un beau terme, oui. Alors, ce n'est pas des guides, c'est des guides, mais c'est des créateurs de diarrhées psychologiques. Oui, gastro-entérite intellectuelle. Oui. Alors, ces personnages, ce sont des êtres humains qui, mettons que toi, tu es un de ces personnages-là, eh bien, un créateur de diarrhées. Un diplôme que j'avais pas. Alors, disons que c'est pas toi, d'abord. Tu n'es pas encore diplômé, disons que c'est machin chouette ici. Machin chouette, il a une famille. Machin chouette, il a des personnages avec qui il vit, il travaille, il a un emploi. Et puis, à un moment donné, Machin chouette, ce qui s'est passé, si on regarde le passé, eh bien, Machin chouette va, de l'an 1993, il va se coucher, dormir, se réveiller, et il va être instruit par différents personnages. Il va vivre de la Terre au véhicule extraterrestre qui a kidnappé une grande partie de la planète. Donc, la région où il y a eu le regroupement d'intelligence. Il va travailler un peu avec eux. Il va souvent revenir sur la Terre. Il va savoir qu'il ne rêve plus. Même s'il se couche pour partir, il va savoir qu'il se passe quelque chose d'original. Et 26 ans après, il va savoir que là, il n'aura plus besoin de se coucher pour dormir, pour aller sur le territoire. Le territoire est revenu sur la planète. Il va pouvoir y aller en automobile ou à pied ou à cheval. Maintenant, ce personnage-là peut... Il est vivant. Alors, disons que Pierre, à un moment donné, Pierre, du point de vue de l'entourage, change. Il devient bizarre. Il devient... Quand on l'accrochait dans le dos, il se retournait et il gueulait. Là, on l'accroche dans le dos, il se retourne puis nous fait un sourire. On comprend pas. On sait qu'il suit une secte. Il va aux conférences de Daniel Kemp ou d'un autre. Là. C'est pas une secte, mais les humains aiment bien ça, parler de secte. Ça paraît négatif, fait qu'il y a une secte. Crime. Tu donnes un coup dans le dos, puis il chiole plus. Il y a une secte mauvaise. Il sourit, là. Il y a une secte pas catholique. Il est catholique, il souffre. C'est pas catholique. Il souffre plus. Bon. À un moment donné, on lui parle, et puis on l'invite à des fêtes, et puis il vient plus aux fêtes. Ou quand il vient aux fêtes, eh bien, il boit plus. Ben non, il boit, puis il saoule plus. Puis, et là. Il est plate. Il est plate, mais intriguant, bizarre. Son regard est un regard différent. Il te regarde, tu n'arrives plus à savoir ce qu'il y a chez lui. Mais tu as l'impression qu'il fouille à travers toutes tes structures amiques, toutes tes lignes réincarnationnelles, il te pénètre. Puis toi, ben, on dirait non. On dirait que tu as un œil de verre qui te regarde, bien bizarre. Avec une vie que tu n'as jamais vue. Et puis, il te fait sourire. Ça humanise la chose un peu. Là, tu préfères regarder ses lèvres que regarder ses yeux. Puis tu dis, bah, c'est comme ça. Du drogue peut-être. De temps en temps, tu le reconnais. C'est lui. Mais, maudit, il doit faire, il est plus intelligent. Il se passe quelque chose. À un moment donné, il arrive des catastrophes, etc. Puis tu te ramasses dans le même fossé avec lui. C'est ses yeux de verre qui te regardent. Avec un sourire. C'est là que tu lui dis... Qu'est-ce qu'on fait? Puis il te répond, on dort. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il te regarde, il sourit, puis hop, les yeux de verre changent. Tu as l'impression qu'il est là. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Il va te dire quoi faire. Puis à un moment donné, ben, il va se coucher. Puis quand il se réveille le matin, il a encore ses beaux yeux, il ne tourne plus. Alors, ça, c'est une autre intervention extraterrestre. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre? Avec Pierre, de vite. Non. C'est que Pierre a été enlevé par une intervention extraterrestre. Pierre a été totalement enlevé et à sa place, on a placé un Gola. Qu'est-ce que c'est un Gola? C'est un clone. C'est-à-dire qu'on a pris de l'ADN chez Pierre, on a recréé une copie absolument conforme de ce qu'il est lui. Et étant donné que c'est une copie conforme biologique, on sait, en l'an 3000, que immédiatement, ce qui va psychologiquement l'habiter sera conforme à Pierre. Ça n'a pas le choix. Moins son intelligence, mais ça n'a pas le choix. Étant donné que ce qui va habiter Pierre va être, de vue sa génétique, ce qu'il est, on va légèrement tripoter la génétique pour éliminer le passé ou une partie du passé réincarnationnel pour ne laisser chez Pierre que son passé expérientiel de la vie de son corps. Et maintenant, on prend ce gars-là et on le place à la place de Pierre. Donc, il connaît tout le monde. Mais il n'est plus manipulé par les peurs ancestrales. Il n'est plus manipulé par les rituels traditionnels. Le passé ligné familial ne l'habite pas. Seule son actuelle vie. Sa courte vie, là, depuis sa naissance. Au lieu d'avoir 4,5 milliards d'années en mémoire chez lui, il aura 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 années, selon sa vie planétaire. Ce gars-là est exécuteur. Alors, il exécute des ordres. Les ordres vont lui être donnés par Pierre, le vrai, ou par des mécanistes archangéliques, ou des mécanistes supramentales. Pierre est exécuteur, il va donc vivre, et les gens vont simplement découvrir que Pierre a changé. Mais ils ne pourront pas savoir que c'est plus Pierre. Puis l'autre Pierre, le vrai Pierre, il est où? L'autre Pierre, il est soit sur le territoire déjà réservé, comme tout à l'heure j'expliquais, parce qu'à un moment donné, sur ce territoire-là, on n'aura pas, nous autres, le goût d'aller fouiller dehors. De temps en temps, il y a des gens intelligents qui viennent nous visiter. Pierre vient nous visiter. si on est sur un territoire qui a été engouffré dans une mécanique extraterrestre, un immense vaisseau qui est assez grand pour engloutir 5-6 fois la grandeur de la ville de Montréal sans que ça paraisse. Bon. Quand je parle de la ville, de l'île de Montréal. Bon. Alors, Pierre, il visite là. Il est là. Ou il est simplement dans une autre région, plus extraterrestre, c'est-à-dire qu'il est carrément dans l'avenir, dans les années 2000 ou dans les années 3000. Et là, il s'instruit de certaines choses, mais là, ça dépend du Pierre. Mais là, on parle d'un Pierre ordinaire. Là, il fait venir nous visiter, il va découvrir à un moment donné. Parce que lui, il va remplacer le gars-là. Le gars-là le remplace, il remplace le gars-là. Normalement, ce qui va arriver, c'est que le gars-là va rester là la majorité du temps de l'intervention extraterrestre pendant les grandes catastrophes. Alors, le gars-là sera normalement assujetti à ne pas mourir. C'est-à-dire qu'il y aura des mécanicités, donc des interventions mécaniques extraterrestres, comme celui du personnage, le MTS qu'on a vu tout à l'heure, qui vont préserver l'intégrité du gars-là. Mais il peut arriver que le gars-là meure. Si le gars-là meure, il sera remplacé. Et il y aura une explication spirituelle ou psychologique pour que les individus de l'extérieur l'acceptent. Si un gars-là vient à mourir, il y en a quelques-uns qui sont morts dans le passé, dans les années 1992, aller jusqu'à l'an 2023, et ces gars-là ont été remplacés avec une intervention astrale, disons supramentale ou astralisée, spirituelle, pour qu'ils deviennent des simili-prophètes, pour qu'ils puissent, à travers leurs propres paroles, leurs propres gestuels, exprimer le pourquoi ils ont retrouvé leurs bras qu'ils se sont vus arracher lors d'une explosion, ou pourquoi ils reviennent alors qu'apparemment ils étaient morts. Puis nécessairement, ça va grouper un paquet d'humains sur leurs effigies, ça va engendrer des religions, enfin ça va engendrer des sectes, là c'est des vraies sectes, et lorsque l'intervention extraterrestre sera rendue, disons, vers l'an 2000 et quelques, eh bien le gars-là sera remplacé par le personnage Pierre original, qui, lui, va simplement dissoudre la secte, prétendre ceci, cela, présenter son maître. En tout cas, il va transférer tout le karma vers des intelligences supérieures qui resteront humaines, qui proviennent du territoire qui a été préservé. Et lentement, l'humain sera confronté à se faire botter le derrière, puis à changer. Et ceux qui vont rester en vie, évidemment. Les autres qui sont morts vont se réincarner à travers les génétiques plus convenables. Alors, il y a donc cette intervention extraterrestre qui est aussi intéressante, c'est qu'encore une fois, l'humain ne va voir qu'un changement chez quelqu'un, mais il ne pourra pas dire que... Puis, évidemment, il reste l'intervention extraterrestre dans le sens que tu cours dans ton champ, tu essayes de fuir, puis là, il y a une bébête à quatre pattes qui court après, puis là, tu entends respirer en arrière, il y a des gros yeux bleus qui tirent, les arbres à côté, qui disent bon, puis là, tu te grimpes là-dedans, puis tu te casses une cheville, puis là, la bébête, elle arrive à côté de toi, puis là, elle liche ta cheville, elle se guérit, tu sais. Puis là, tu suis la bébête à quatre pattes, tout et tout, tu embarques dans ce coup volant, puis tu t'en vas. Il y a aussi une intervention extraterrestre, disons, d'un genre plutôt journalistique, là, qui plaît énormément aux journalistes, quel que soit le journaliste, soit des médias télévisés, des médias écrits, pourquoi. Et il y a des êtres humains qui vivront une intervention extraterrestre dans le sens qu'on va essayer de voler leur génétique. C'est déjà commencé, celle-là. Et on va voler leur génétique, c'est-à-dire qu'on va ramasser des corps physiques à peu près mourants. Un exemple, toi, tu perds tes deux jambes et puis un bras lors d'une explosion, mais on se rend compte que la génétique, finalement, qu'une grosse partie de ton corps physique, en l'occurrence ton cerveau, ton cœur, tes poumons, le triangle de vie, ainsi que la majorité du système endocrinien est encore acceptable, et bien on peut préserver ton corps physique un bout de temps, on le kidnappe. Il y a des humains qui disparaissent, qu'on ne retrouve jamais leurs traces, et bien il y en aura encore un paquet à ce moment donné-là, et puis on va essayer de créer des clones pour induire de l'intelligence extraterrestre du point de vue d'une extraterrestre astralisée à l'intérieur de l'homme, parce qu'on sait que dans l'évolution fusionnelle de la création, il y a encore des mécanicités qui ont une évolution, une tendance évolutive, en l'occurrence les extraterrestres tels qu'on les conçoit lorsqu'on fait des reportages sur eux. C'est en phase d'involution. Il y a les dieux aussi qui involuent, qui ont besoin de l'énergie astrale de l'homme pour pouvoir continuer à chauffer leur four, pour ne pas trop se refroidir. Et lorsque l'extraterrestre involue, eh bien, lorsqu'il redécouvre l'être humain qui, lui, est en phase d'évolution, il pique sa génétique, il crée un corps physique, il chasse l'âme de dedans, lui vient l'investir du point de vue, il se réincarne dans le corps physique de l'homme, et son évolution est arrêtée au niveau de l'homme, plutôt que de devoir descendre jusqu'à la matière pour revenir vers l'homme. Et nécessairement, ils veulent la génétique de l'homme. Ce qui nuit un peu à l'évolution planétaire de l'homme. C'est un raccourci pour lui. Pour lui, c'est un immense raccourci qui peut engendrer une mécanicité FM, d'intervention très agressive, très militaire, très belligérante, très catastrophique à l'échelle de la planète Terre. Et lorsque cette intervention va arriver, eh bien, il y aura une lutte entre l'humain et l'extraterrestre qui a investi le corps physique de l'homme. Il va y avoir énormément de corps physiques qui vont être détruits pendant les années. Il n'y a pas de danger que ces extraterrestres-là utilisent des ruses comme les comme les interventions que tu as mentionnées tantôt, s'il arrivait un cataclysme, un tremblement de terre, une guerre, ou quoi que ce soit, pour leurrer des intelligents... Premièrement, non, leurrer un intelligent, tu peux pas. Puis les autres, tu n'as pas besoin de grand-chose. Rien qu'à avoir 6 doigts après la main, puis ils sont à genoux devant toi. C'est pas vraiment compliqué. Alors, pour leurrer les humains, c'est extrêmement facile. Il suffit juste que tu ailles un petit... qui apparaissent dans ta cour, une secoupe volante, puis il y a une porte qui s'ouvre, puis là, il y a un E.T. qui sort de là. Puis la majorité des humains, ils sont prêts à suivre. Alors, ils n'ont pas besoin d'avoir... Puis ils n'ont pas la puissance énergétique au niveau vital pour pouvoir... c'est un transport séraphique, leur périsprit astral n'est pas capable d'englober une ville. Alors, c'est donc des interventions qui apparaissent comme ça, qui viennent se plaire. Ça se passe sur une base individuelle. C'est relativement individuel. Il y a eu une intervention dans le passé de ce que je te parle, mais qui est aussi notre passé à nous, qui, dans les années 60, encore une fois, qui, autour de ça, qui a fait en sorte qu'il y a des humains qui essaient de se grouper dans le but de donner leur génétique à ces extraterrestres-là. Bon, c'est dommage, mais de toute façon, ce n'est pas l'intelligence humaine qui se réunit dans ces groupements pour donner leur génétique aux extraterrestres. Alors finalement, les extraterrestres vont ramasser la génétique humaine, mais ils n'auront pas la pire, mais ils n'auront pas la meilleure. Ils vont ramasser des génétiques extrêmement astralisées. Donc, en partant, ils vont se faire ramasser les culottes à terre après quelques années de vie dans un corps physique humain. Ils ne savent pas ce que c'est que souffrir, mais quand ils vont commencer à souffrir, ils vont voir que c'est compliqué. Depuis tantôt, on parle de cataclysme. S'il y avait une intervention extraterrestre, ça serait absolument dans le cas d'un cataclysme ou s'il pourrait y en avoir une d'une autre façon, sans qu'il y ait de cataclysme? S'il n'y a pas de cataclysme, s'il n'y a pas d'apocalypse tel qu'il y en a toujours eu dans les évolutions des êtres ascendants, l'être humain en est un. On est rendu à une étape, on est rendu à l'une des étapes, l'une des la cinquième étape, où il devrait y avoir un cataclysme majeur à l'échelle de la planète Terre. La planète est vitalement tellement têtée par la pollution qu'elle a de la difficulté à maintenir la mémoire structurale, tramique, de sa propre sphère. Alors, ça peut engendrer des tremblements de terre, qui peuvent engendrer des raz de marée. Il peut y avoir aussi une retransposition de l'axe planétaire vers ce qu'il était un peu avant l'Atlantide. Donc, le désert de Gobi pourrait redevenir le pôle Nord, ce qui peut créer des raz de marée intéressants, des balayages totaux des surfaces. Il peut y avoir le phénomène de la pollution, de façon qu'il est déjà enclenché. Si on arrête de polluer présentement, on va souffrir dans les 50 prochaines années de la pollution. Alors, il y aura un réchauffement graduel, il y aura un paquet de phénomènes assez intéressants du point de vue de l'initiation solaire, au niveau des facteurs de cancer. Alors, l'humain est déjà engrainé dans un apocalypse. Il y a plusieurs années aussi, un bon bout de temps que je t'entends parler du jour où les deux grandes nations s'assoiront pour discuter de la paix, que ça commencera à être dangereux. Et là, on peut voir dans les journaux que c'est commencé. Oui, alors, c'est plus vite que je pensais, remarque. L'humain est... Sauf que, en tout cas, là, présentement, il y a des facteurs intéressants qui obligent cela, mais on a encore, quand même, 2-3 ans avant, ça certain, au moins 2-3 ans de préparation avant qu'il y ait des gros conflits. Donc, ça pourrait être ça aussi, un cataclysme. Ça ne serait pas nécessairement la pollution, ça pourrait être une guerre. Ça peut être une guerre ça globale. Ça pourrait être les deux. Oui, effectivement. Plus on réduit le potentiel d'armement nucléaire, plus le risque de guerre nucléaire est probant. Parce que quand le low-cost planétaire est éliminé parce qu'on n'a plus assez de missiles, eh bien maintenant, on peut se lancer dans une guerre et prétendre gagner une guerre. L'Union soviétique ne croit plus à la perte à un jeu de guerre qui ferait que les deux grandes nations s'anéantiraient complètement. Elle ne croit plus à ça. C'est risqué, évidemment. Présentement, elles ont trop de gros problèmes d'agriculture qui sont obligées de prendre de l'argent qui est donné aux militaires, 20% de leur budget militaire, pour le donner au peuple de façon à relancer l'économie. Pour faire cela, elles doivent désarmer. Pour désarmer, ça ne sera jamais accepté du point de vue du KGB ou des structures du Parti communiste là-bas. De désarmer à 20% les forces militaires pour aider le peuple si les Américains ne font pas de même. Alors évidemment, Mikhail Gorbatchev vient ici se promener un peu de façon à stimuler un peu le désarmement américain pour que les Américains appuient la tentative de Gorbatchev d'aider le peuple soviétique. C'est la raison astralisée qui permet cela. C'est pas la raison militaire ne l'aurait jamais permis, mais cette raison-là peut le permettre. Gorbatchev est un bonhomme qui ne vivra pas 50 ans. Alors, à un moment donné, quand on va manger assez, on fait des réserves. On fait des réserves avant de se lancer dans une grosse guerre. On fait des réserves, il faut de l'économie, il faut de l'agriculture, il faut désarmer 20%, mettre ça là-dedans, faire des réserves, après ça, on réarmera, puis on aura des réserves. D'autre part, ils n'en font pas de réserves. Et il y a un paquet de mécaniques, du moins, qui sont déjà arrivées souvent dans l'histoire de l'humanité, qui font que quand les grands belligérants viennent parler de paix, il y a un coup de cochon qui se prépare en dessous. Le cochon, on ne sait pas si c'est un cochon américain ou soviétique, ou encore libyen, arabe. Mais c'est un grand problème que de s'asseoir à la même table pour parler de paix. C'est un problème. Alors là, ça commence. À peine, là. Il y a eu un tremblement de terre qui a fait qu'il est retourné là-bas, mais ça va appauvrir plus le pays, donner plus de raisons d'eux. Il y a encore 2-3 ans, en tout cas, chaussures en avant, chaussures à nos pieds. Et dans 2-3 ans, peut-être qu'il y aura encore 2-3 ans en avant. Puis dans 2-3 ans, peut-être qu'il y aura encore 2-3 ans en avant. Puis dans 2-3 ans, peut-être qu'il y aura 2-3 ans en arrière, on ne sait pas. Bon. Mais une chose certaine, c'est que l'être humain ne doit pas préparer l'apocalypse. C'est totalement ridicule. Celui qui s'en va, par exemple, vivre dans la forêt, qui se met un bunker, qui est absolument parfait pour vivre 40 ans, il va s'enfermer là-dedans quand ça commence à faire un peu comme Cuba, là, quand ça commence, on pense que ça va se déclencher. Or, il s'amorce là avec ses enfants, il va fuir là. Et puis là, ben, pendant 40 ans, il va dans la même toilette. Il respire de l'air qui a été apparemment purifié. Et parce qu'il ne sait pas, toute fois qu'il sort, c'est proche. Puis à un moment donné, ben, ses affaires suivent, il est hors contact avec le monde. Puis après 25 ans là-dedans, là, il est tanné, la psychologie commence à se dégoïser totalement, là, mais sauf qu'il n'a pas le contact avec le mental, donc il devient un peu un zombie. Alors, titubant, il sort avec sa femme, ses enfants, il s'enfarge sur sa barbe. Les enfants de ses enfants aussi, 25 ans. Ouais, ben 20 ans, ouais, ça dépend encore, ça commence, ils ont tous des becs de lièvre, mais enfin. Et puis là, il marche, et puis il finit par arriver quelque part dans une ville là, qui est totalement détruite. Puis quand il arrive là, ben il se rend compte qu'il n'y a jamais eu d'apocalypse. Finalement, que l'humain s'en est sorti. Puis il a passé 20 ans. Puis il se fait frapper par un autobus. Un autobus qui volait, il se couche à terre, puis bon. Donc, autrement dit, on ne peut rien faire pour éviter... L'avenir est toujours en mouvement. Il n'y a absolument rien que l'être humain peut faire présentement pour préserver. La seule chose que l'humain a à faire, c'est se tenir proche de choses neuves, de personnages qui semblent dégager l'intelligence, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas exclusivement à partir des facteurs émotifs traditionnels, avec des êtres humains qui ont une vibration, avec lesquels ils ont une vibration, ben, qui se tiennent avec ces gens-là. Ça crée des synergies. S'ils n'ont pas à être sauvés, ils n'ont pas à être sauvés. S'ils n'ont pas à être aidés, ils n'ont pas à être aidés. S'ils ont à être aidés, ils vont être aidés. Une chose certaine, c'est que l'intelligence économise l'énergie. Donc là où il y aura suffisamment d'êtres humains qui se seront réunis, et je ne dis pas réunis dans la même, dans une commune, réunis dans un égrégore particulier. Si tu lances un message, étant donné qu'ils sont tous télépathiquement en affinité parce qu'ils se côtoient, de temps en temps, une fois par mois, une fois par deux mois, une fois par semaine, ça dépend des individus. Mais il y a une trame qui fait que tu peux dire, il y a une race là. Alors, tu lances un message à travers un néotype de la race, et chaque individu, immédiatement, a la vibration d'agir, de faire certaines choses. L'individu qui veut être absolument tout seul dans son coin, c'est le MTS. Lui, c'est à coup de pied dans le derrière qu'on va le protéger. Il va crier. Il n'y a pas 150 choses à faire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de faire ce qu'on fait. Développer sa conscience individuelle. Refuser les archétypes traditionnels, religieux, théologiques, moraux, etc. Comprendre ce que c'est que l'intelligence. Puis travailler pour avoir un ajusteur de pensée opérationnel. Puis travailler pour avoir une fusion avec son double éthérique. Ça sous-entend que les gens qui sont attirés vers l'extérieur, ça peut être un individu, mais lui, il peut représenter une famille, il peut représenter un sous-groupe, je dirais. Est-ce que les sous-groupes seront admis ou attirés aussi dans cet emplacement-là, ou ce sera seulement l'individu? Alors, il y a un homme, une femme, 3 enfants. La femme est à caractère supramental, la femme est attirée. Est-ce qu'elle peut amener son mari et ses 3 enfants? Question. C'est très, très, très, très simple. La femme fait ses bagages, puis elle dit au bonhomme, « Viens, à part. » Si le bonhomme vient, il est accepté. Si le bonhomme vient pas, il n'est pas accepté. Les enfants, c'est pareil. C'est très simple. Quand le temps va arriver, c'est pourquoi l'humain doit se rapprocher de l'intelligence. Quand le temps va arriver, puis la femme a dit, « Je m'en vais. Je dois partir. » Le bonhomme, il dit non. Puis le bonhomme arrive à la manipuler pour qu'elle reste. Tant pis. Tant pis pour elle. Tant pis pour nous autres. Sauf que si la personne est suffisamment réchauffée, donc justement, si elle se rapproche du phénomène de l'intelligence, si lentement, elle donne de l'intelligence à ses enfants, à son mari, elle y achète un livre, tiens, la vie impersonnelle, lis donc ça, là, ou une cassette, ben, lis donc, écoute donc ça. Si elle permet ce genre de choses, eh bien, évidemment, quand elle aura la vibration d'eux, il y a des chances que ça se communique à sa famille, que la famille suive. Mais si c'est en guerre totale, la femme, elle risque de perdre, ou le mari risque de perdre et de rester là, alors que, normalement, elle aurait dû s'en aller. si elle s'en vient, si elle quitte sa famille pour y aller, ben, si le reste de la famille suit, c'est correct. S'ils ne suivent pas, non. C'est pas dommage, leur génétique n'est pas adéquate. Il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel convenablement là, alors c'est comme ça que ça va se passer. Sinon, il n'y a aucun problème. La femme ou le mari ou l'enfant, ben, il peut arriver là-bas avec sa famille, la famille, elle a suivi.